50 languages. 34. 34. Dans le train. Dans le train. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Est-ce que c'est le train pour Berlin? Est-ce que c'est le train pour Berlin? متى ينطلق القطار؟ Quand est-ce que le train part? Quand est-ce que le train part? متى يصل القطار إلى برلين؟ Quand est-ce que le train arrive à Berlin? Quand est-ce que le train arrive à Berlin? أتسمح لي بالمرور؟ Pardon, est-ce que je pourrais passer? Pardon, est-ce que je pourrais passer? أظن أن هذا مقعدي. Je crois que c'est ma place. Je crois que c'est ma place. أظن أنك تجلس على مقعدي. Je crois que vous êtes assis à ma place. Je crois que vous êtes assis à ma place. أين عربة النوم؟ Où est le wagon-lit? Où est la voiture-lit? عربة النوم في آخر القطار. Le wagon-lit est en queue de train. La voiture-lit est en queue de train. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Où est le wagon restaurant? En tête. Et où est la voiture restaurant? En tête. أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟ Puis-je dormir en bas? Puis-je dormir en bas? أيمكنني النوم في السرير الأوسط؟ Puis-je dormir au milieu? Puis-je dormir au milieu? أيمكنني النوم في السرير العلوي؟ Puis-je dormir en haut? Puis-je dormir en haut? متى نصل إلى الحدود؟ Quand serons-nous à la frontière? Quand serons-nous à la frontière? كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟ Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin? Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin? هل سيتأخر القطار؟ Le train a-t-il du retard? Le train a-t-il du retard? هل لديك شيء للقراءة؟ Avez-vous quelque chose à lire? Avez-vous quelque chose à lire? هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟ Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحاً؟ Pouvez-vous me réveiller à 7 heures? Pouvez-vous me réveiller à 7 heures?